Tuez-les tous, par Charles Barthélemy. Ce mot, qui semble si cruel, si féroce même, a-t-il été dit par le légat du pape Innocent III pour ordonner le sac de Béziers et le massacre des Albigeois en 1209 ? Nous pouvons répondre hardiment non. Cette parole n'a pas été même dans la pensée du légat, et comme l'a fort bien dit Fournier, on a tant médit de l'Église et de ses prêtres, on a tant exagéré le mal dont leur sévérité, souvent nécessaire, a été la cause. Mais il ne suffit pas de nier hautement. Il faut prouver le droit qu'on a de repousser une telle accusation jetée à la face du catholicisme dans la personne d'un de ses ministres, d'un représentant de la papauté. L'histoire renferme peu de faits dont les circonstances principales et accessoires puissent être fixées plus exactement et plus sûrement que celle du sac de Béziers en 1209, un des principaux et des plus sanglants épisodes de la guerre soulevée par l'hérésie albigeoise dans le midi de la France. D'où vient donc que ce fait important a été si mal apprécié jusqu'à nos jours, puisqu'il était si facile de le bien connaître dans tous ses détails? D'abord, c'est que l'on étudie peu ce que l'on aurait tant besoin de connaître, l'histoire de son pays. Ensuite, que l'erreur et le mensonge sont profondément et de vieille date enracinés dans les esprits. Enfin et surtout, parce que dans ces luttes politiques du Moyen-Âge, où l'on s'obstine à ne voir que des guerres de religion, on ne fait pas assez la part, ou plutôt on fait abstraction totale des principes mis en jeu, de telle sorte que d'une question historique et d'un événement accompli il y a 6 ou 7 siècles, on fait une affaire de parti, la plus misérable des choses en ce monde. Il existe 5 relations contemporaines, bien distinctes, du siège de Béziers en 1209. Elles émanent, la première, d'Arnaud, abbé de Citeaux, et de Milon, secrétaire du pape, légat du Saint-Siège. La deuxième, de Pierre, moine de Vaucernay. La troisième, d'un auteur inconnu que l'on désigne sous le nom d'anonyme provençal. La quatrième, de Guillaume de Puylaurens. Et la cinquième, de Césarius, moine de l'abbaye de Heisterbach, au diocèse de Cologne. Selon la judicieuse remarque d'un érudit qui de nos jours a étudié à fond et longuement la question qui nous occupe en ce moment, d'aussi nombreuses sources pourraient aisément faire errer, sans un peu de critique et beaucoup d'impartialité. Elles deviendraient très dangereuses et même fort nuisibles si l'on se bornait à épuiser ce qui flatte telle ou telle idée préconçue et le plus souvent hostile à la vérité et à la religion. Ce danger est facile à éviter si au préalable, on examine le caractère et les actes de ceux qui nous ont laissé les relations dont il s'agit, et si l'on déduit des résultats de cet examen le degré de crédibilité qu'il faut accorder à leurs paroles. De ce que tous ces auteurs sont contemporains, il ne résulte pas qu'ils aient des droits égaux à nous servir de guide. Il importe de faire entre eux une distinction capitale, distinction qui a été négligée dans le fait qui nous occupe. Un auteur peut avoir vu les faits qu'il rapporte, il peut même y avoir pris part, il peut simplement les avoir narrés sur ouï dire. Le témoignage a sa valeur dans les 3 cas, lorsque celui qui le fournit est un homme grave et digne de foi. Mais il est évident que dès qu'il existe le moindre doute ou la plus légère contradiction au sujet d'un fait mentionné par un historien de chacune de ces catégories de contemporains, nous n'hésiterons pas à préférer l'autorité du contemporain acteur à celle du contemporain témoin, et l'autorité de l'un et de l'autre à celle du contemporain qui s'est fié à la parole d'autrui. Sans doute, la portée de ces distinctions n'est pas absolue. Celui qui raconte les événements auxquels il a pris part ou qu'il a dirigé peut être suspect de les exposer d'une façon partiale ou flatteuse pour lui. C'est l'objection qu'on pourrait soulever à propos d'Arnaud et de Milon. Eh bien, Milon, auquel on prête ces terribles paroles, « Tuez-les tous », n'en fait aucune mention dans son récit. Or, s'il l'avait dite, il n'est pas probable qu'il eût craint de l'avouer, car à cette époque, les actes des sociétés et des individus étaient empreints d'une énergie que nous avons maintenant de la peine à comprendre. Et ce que nous qualifierions aujourd'hui de cruauté était alors accepté dans tous les partis comme une chose parfaitement naturelle et ne soulevait la plus légère objection dans l'esprit de qui que ce fût. Nous ne discutons pas, nous exposons simplement, et nous rappelons ce que chacun doit savoir, ou du moins peut comprendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juger les actes d'une époque à la clarté des habitudes, des principes et quelquefois des préjugés d'une autre époque. Ces réflexions nous permettent donc de regarder la relation officielle du siège de Béziers par les légats Arnaud et Milon comme une preuve affirmative de ce qu'elle renferme et une preuve négative de ce qu'elle omet. Ce n'est pas non plus dans Pierre, moine de Vaucernay, ni dans l'anonyme provençal, ni dans Guillaume de Puylaurens, tous trois contemporains, acteurs ou témoins dans les événements, qu'on trouve la moindre trace du fameux mot « Tuez-les tous, Dieu saura bien reconnaître les siens ». Comment supposer que ces chroniqueurs aient pu oublier ou effacer une telle parole, étant connus leurs principes et leur esprit? Certes, Arnaud, le légat, auteur de la première des cinq relations contemporaines, est très peu suspect de modérantisme dans ses actes et dans ses paroles. Quant à Pierre, moine de Vaucernay, il se montre animé contre les hérétiques et par là même très peu capable d'avoir négligé de consigner dans sa chronique les rigueurs exercées par les croisés contre les albigeois. L'anonyme provençal, contemporain et témoin oculaire des faits qu'il raconte, mérite toute confiance par son caractère grave et digne de foi. La même remarque peut être faite à l'égard de Guillaume de Puylaurens. Le mot « tuez-les tous » n'a donc pas été dit par le légat Milon ou d'autres personnages, puisqu'aucun des cinq récits contemporains ne le rapporte ou n'y fait la moindre allusion, même la plus lointaine. Où donc a été consignée pour la première fois l'anecdote dont nous avons vainement cherché jusqu'ici l'origine? Dans un livre d'un moine allemand. C'est un étranger, séparé du théâtre des événements de la croisade par plus de 200 lieues, qui nous apprend ce qu'ont ignoré les hommes placés dans les rangs mêmes des deux armées. C'est Césarius, moine de l'abbaye de Heisterbach, au diocèse de Cologne. Voici comment, en quelques lignes, où il y a autant d'erreurs que de mots, il raconte le siège de Béziers et encadre, en la motivant, la fameuse parole depuis toujours attribuée au légat Milon. Les croisés arrivèrent à une grande ville qu'on nomme Biders, Béziers, dans laquelle on disait qu'il y avait eu, fuis, plus de 100 000 hommes, et l'assiégèrent. Aux yeux des croisés, les hérétiques souillèrent de leur urine un volume du Saint-Évangile qu'ils jetèrent ensuite du haut du rempart dans les rangs des chrétiens, et leur lançant ensuite des flèches, ils leur criaient « Misérables, voilà votre loi !» Mais le Christ, auteur de l'Évangile, ne laissa pas sans vengeance l'injure qu'on lui faisait. Car des soldats enflammés du zèle de la foi, semblables à des lions, à l'exemple de ces hommes dont il est parlé au livre des Maccabées, ayant posé des échelles, gravirent les murs avec intrépidité, et forçant les portes, ils s'emparèrent de la ville, mettant en fuite les hérétiques frappés de terreur par Dieu et ne sachant plus que devenir. Et apprenant, de l'aveu même des hérétiques, que des catholiques se trouvaient dans leur rang, Père Mixtos, ils dirent à l'abbé « Que ferons-nous, Seigneur? Nous ne pouvons distinguer les bons des méchants. » Alors on raconte, faire tour, que tant l'abbé que les autres, craignant que la peur de la mort ne fît feindre aux hérétiques qu'ils étaient catholiques, et qu'après avoir obtenu la vie sauve, ils ne revinssent à leur perfidie, dirent « Frappez-les, car le Seigneur sait quels sont les siens. » Et c'est ainsi qu'une foule innombrable fut mise à mort dans cette ville. Outre que dans ce récit tout repose sur des on-dit, dicébantour, faire tour, le mot « tuez-les tous » est attribué non à un seul homme, mais à tous les chefs de la croisade. Mais la question n'est pas précisément là. Il s'agit de savoir quelle est la valeur historique et critique du témoignage de Césarius, le seul auteur du temps qui rapporte la fameuse parole. Tous ceux qui ont eu à s'occuper du livre où est consigné, en compagnie de bien d'autres, cette fable, Posvin, Bossius, Houdin, Dupin, l'Anglais du Frénois, Fleury, etc., conviennent que dans les récits de Césarius, l'invraisemblance atteint les dernières limites du grotesque, et un critique éminent de nos jours, Donou, exprime sur cet ouvrage une opinion qui s'accorde avec celle d'un des plus savants historiens ecclésiastiques de l'Allemagne contemporaine, avec celle de Jean Herzog et avec celle de Hörter, comme avec celle de tous les auteurs nommés plus haut. Donou, qui a retracé la biographie d'Arnaud, abbé de Citeaux, déclare, au sujet du rôle que lui fait jouer à Béziers Césarius, qu'il ne saurait ajouter foi à un tel récit. Or, Donou ne saurait être, à un moment, suspectée de partialité à l'égard du Moyen Âge. Ces principes bien connus ne peuvent donner lieu à une telle supposition. C'est donc uniquement la force de la vérité qui l'a fait parler en ces termes. Après un tel témoignage, après surtout le silence de Voltaire, on est étonné, pour ne pas dire davantage, de voir le mot trop fameux figurer non seulement dans tous les livres dont Béziers a été le sujet, dans tous les ouvrages qui concernent le Languedoc, mais encore dans nos cinq grandes dernières histoires de France, celles de Vély, d'Anquetil, de M. de Sismondi, de M. Michelet et de M. Henri Martin, sans compter tous nos moins considérables histoires de France, nos encyclopédies, nos biographies, etc., etc. Ce n'est rien encore. Un jour, en pleine Académie française, en séance publique, M. Guizot, dans sa réponse au discours de réception du révérend père Lacordaire, le 24 janvier 1861, a dit à l'illustre dominicain, en faisant allusion à sa confraternité religieuse avec le légat Milon, « Il a 600 ans, monsieur. Si mes pareils de ce temps vous avaient rencontré, ils vous auraient assailli avec colère comme un odieux persécuteur. Et les vôtres, ardents à enflammer les vainqueurs contre les hérétiques, se seraient écriés « Frappez, frappez toujours, Dieu saura bien reconnaître les siens. » Et cependant, nous l'avons vu, ni Arnaud ni Milon n'ont jamais tenu le barbare langage qu'on leur prête. Et sur ce point, comme sur tant d'autres, les historiens ont eu le tort de suivre le courant des idées reçues, ou plutôt des erreurs et des mensonges accrédités dans le vulgaire. Et que de gens d'esprit font partie du vulgaire, dont ils composent souvent la majorité, sinon absolue, au moins relative. Si, en dehors des récits relatifs à la croisade contre les Albigeois, nous consultons toutes les chroniques relatives à l'histoire de France, nous n'y apercevons pas la moindre trace de la cruelle réponse et toujours attribuée au légat du pape Innocent III. Mais comment M. Guizot a-t-il pu citer ce prétendu mot, lui dont la collection de chroniques relatives à notre histoire nationale contient 6 ouvrages, où la prise de Béziers est racontée avec plus ou moins de détails, sans qu'il y soit fait la plus petite mention d'une circonstance qui est trop frappante, ce nous semble, pour n'être pas ainsi passée sous silence. Depuis quand le silence est-il devenu l'équivalent de l'affirmation? Il semble qu'après ces discussions, l'erreur et le mensonge sont réduits à néant et qu'il n'y a plus lieu à poursuivre. Mais l'erreur et le mensonge ne sont que trop féconds. Et quand on a tranché une des têtes de l'hydre, il en reste encore d'autres non moins redoutables à abattre. Et voilà ce qui arrive à l'occasion du fameux mot « tuez-les tous ». D'après Césarius, après la prise de la ville, les massacreurs, éprouvant des scrupules et comme une sorte d'attendrissement, demandèrent à l'abbé Arnaud, avant de commencer, ce qu'il devait faire pour reconnaître les catholiques au milieu des hérétiques. Or, suivant tous les historiens de la croisade, les choses n'ont pu se passer ainsi. Voici quelles furent, selon les plus sûres autorités, les circonstances de la prise de Béziers. Quelques assiégés firent une sortie. Un croisé qui s'était avancé jusque sur le pont de Béziers tomba percé de leurs flèches. À cette attaque inattendue, à la vue de cette victime, les ribauds, les soldats d'un ordre inférieur, frémissant de rage, s'élancent comme un seul homme contre les imprudents agresseurs, sans même prendre le temps de revêtir leur armure. Ils les refoulent dans la place, escaladent les murs, enfoncent les portes et entrent impétueusement dans Béziers à la suite des insensés qui sont venus les braver. Ils donnent l'assaut, dit Pierre de Vaucernay, à l'insu des gentilshommes de l'armée et à l'heure même s'emparent de la ville. Les habitants de Béziers, dit à son tour Guillaume de Puylaurens, ne purent repousser la première attaque du vulgaire de l'armée. L'abbé Arnaud, lui aussi, dans la relation qu'il adresse au pape, raconte que lorsque l'on délibérait avec les principaux chefs de l'armée sur les moyens de sauver ceux qui dans la ville passaient pour catholiques, les ribauds et autres villes personnes, Ribaldi et Aliviles et Inermes Personae, sans attendre l'ordre des chefs, firent invasion dans la cité. Mathieu Paris dit la même chose. Enfin, Guillaume le Breton et surtout l'anonyme provençal, qui lui entre dans les plus minutieux et les plus pittoresques détails, attribue aux truands l'initiative du carnage et écarte de loin des chefs toute complicité. Il est donc impossible qu'aucun dialogue ait eu lieu immédiatement après l'assaut entre Arnaud et les ribauds et par conséquent que soit Arnaud, Milon ou tout autre ait dit ou ait seulement eu l'occasion de dire la trop fameuse parole qu'on lui attribue. Il n'y a donc pas lieu à insister davantage sur ce point. Il ne nous reste plus maintenant qu'à dégager de quelques exagérations et de quelques méprises le récit même de la prise de Béziers. Les historiens, trouvant que le nombre des victimes, tel que nous le donnent ceux qui ont dû être les mieux informés, était insuffisant, quelque considérable qu'il soit cependant, l'ont grossi dans des proportions ridicules. En supposant même, ce qui est douteux, que la ville de Béziers, au commencement du XIIIe siècle, pût contenir autant de population qu'elle en contient aujourd'hui, c'est-à-dire environ 24 000 habitants, une partie de cette population avait, à diverses reprises, abandonné une ville que l'on savait être exposée la première aux fureurs des hommes du Nord. 20 000 personnes durent rester dans Béziers, et à peu d'exceptions près, durent être enveloppées dans un des plus grands massacres qui aient jamais épouvanté le monde. C'est le chiffre adopté par Arnaud lui-même, c'est-à-dire par le personnage qui, à tous les points de vue, était le mieux placé pour savoir la vérité en ce qui concerne ce fait terrible. De 20 000, le chiffre des victimes a grandi successivement jusqu'à 100 000, dans le récit de Césarius et surtout dans les commentaires exagérés qu'on en a fait. Mais ce témoignage se brise contre une impossibilité d'espace. M. Sabatier dit à ce sujet, « S'il est vrai, comme je le pense, que l'enceinte de Béziers n'a jamais beaucoup varié par son étendue, les chiffres inférieurs, 15 000 et 12 000, réunissent le plus de probabilités. La population tout entière de Béziers ne tomba pas sous le glaive. Plusieurs habitants durent s'éloigner avant le siège. D'autres purent s'échapper quand la ville fut prise. La ville ne fut pas non plus complètement détruite, car au mois d'août de l'année 1210, Simon de Montfort donnait une maison située dans Béziers à l'abbaye de Citeaux. On voit, de nos jours, quelques maisons auxquelles le style de leur architecture assigne une date antérieure au XIIIe siècle. Comment 100 000 personnes ont-elles pu tenir dans un espace suffisant, tout au plus pour 12 000 ou même 15 000 habitants, en portant ce chiffre au maximum? Et même, si l'on veut absolument s'en tenir au récit de Césarius, en examinant le texte du moine allemand, on verra qu'il ne dit pas du tout que 100 000 personnes succombèrent dans la prise de Béziers. Il se borne à avancer sous forme dubitative que cette ville renfermait plus de 100 000 habitants. « In qua plus quam centum millia hominum fuisse dicabatur » il n'affirme pas davantage que tous succombèrent. « Innumerabiles occisi sunt in civitate illa » En réduisant même à 12 000 le nombre des individus massacrés à Béziers, on s'expose encore à exagérer. Il résulte, en effet, d'un travail consciencieux de M. Domeron de Béziers, qu'il faut fixer à 7 ou 8 000 le nombre des malheureux qui périrent dans ce massacre, réduisant ainsi de beaucoup le chiffre le plus faible proposé par les historiens. Son argumentation est appuyée sur une étude topographique fort intéressante au point de vue archéologique. Charles Barthélémy.